Moyennant le double du prix habituel de la chambre, les Thénardier acceptent de loger l'homme qui, après avoir laissé sur un banc son paquet et son bâton, s'était assis à une table où Cosette s'était empressée de poser une bouteille de vin et un verre. Cosette était laide. Heureuse, elle eût peut-être été jolie. Le feu qui l'éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Comme elle grelottait toujours, elle avait pris l'habitude de serrer ses deux genoux l'un contre l'autre. Tout son vêtement n'était qu'un haillon qui fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Elle n'avait sur elle que de la toile trouée, pas un chiffon de laine. On voyait sa peau ça et là, et l'on y distinguait partout des taches bleues ou noires qui indiquaient les endroits où la Thénardier l'avait touchée. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Toute la personne de cet enfant exprimait une seule idée, la crainte. Tout à coup, la Thénardier s'écria : « À propos, et ce pain ?» Madame, le boulanger était fermé. Il fallait cogner. J'ai cogné, madame. Eh bien, il n'a pas ouvert. Je saurai demain si c'est vrai, dit la Thénardier. Et si tu mens, tu auras une fière danse. En attendant, rends-moi la pièce de 15 sous. Cosette plongea sa main dans la poche de son tablier et devint verte. La pièce de 15 sous n'y était plus. Elle était pétrifiée. Est-ce que tu l'as perdue ? La pièce de 15 sous, râla la Thénardier. Ou est-ce bien que tu veux me la voler ? En même temps, elle allongea le bras vers Martinet, suspendu à la cheminée. Ce geste redoutable rendit à Cosette la force de crier. « Grâce, madame, madame, je ne le ferai plus !»« Pardon, madame, dit l'homme, mais tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui est tombé de la poche du tablier de cette petite et qui a roulé. C'est peut-être cela. » En même temps, il se baissa et parut chercher à terre un instant. « Justement, voici, reprit-il en se relevant. » Il tendit une pièce d'argent à la Thénardier. « Oui, c'est cela, » dit-elle. Ce n'était pas cela, car c'était une pièce de 20 sous. Mais la Thénardier y trouvait du bénéfice. Hésitant sur la richesse de l'homme, après lui avoir vu offrir à Cosette la superbe et coûteuse poupée qu'elle convoitait, ils finissent par se confondre hypocritement en amabilité envers Cosette et envers lui, au point de le placer dans une chambre richement garni, alors que lui voulait dormir dans l'écurie. Dans la nuit, l'homme découvre d'abord la paillasse misérable sous un escalier qui sert de lit à Cosette, puis son sabot, en piteux état, dans un coin obscur de la cheminée. L'étranger fouilla dans son gilet, se courba et mit dans le sabot de Cosette un louis d'or. Puis il regagna sa chambre à pas de loup. Au petit matin, alors Cosette est déjà au travail, le voyageur, moyennant 1 500 francs, peut enlever Cosette au Thénardier. Peu après, Cosette entrait dans la salle basse. L'étranger prit le paquet qu'il avait apporté et le dénoua. Ce paquet contenait une petite robe de laine, un tablier, une brassière de futaine, un jupon, un fichu, des bas de laine, des souliers, un vêtement complet pour une fille de 8 ans. Tout cela était noir. « Mon enfant, dit l'homme, prends ceci. « Et va t'habiller bien vite. » Le jour paraissait, lorsque ceux des habitants de Montfermeil qui commençaient à ouvrir leurs portes virent passer, dans la rue de Paris, un bonhomme pauvrement vêtu, donnant la main à une petite fille tout en deuil qui portait une grande poupée rose dans ses bras. Il se dirigeait du côté de Livry. Personne ne connaissait l'homme. Comme Cosette n'était plus en guenille, beaucoup ne la reconnurent pas. Cosette s'en allait. Avec qui ? Elle l'ignorait, ou elle ne savait. Cosette marchait gravement, ouvrant ses grands yeux et considérant le ciel. Elle avait mis son louis dans la poche de son tablier neuf. De temps en temps, elle se penchait, elle lui jetait un coup d'œil, puis elle regardait le bonhomme. Elle sentait quelque chose, comme si elle était près du bon Dieu. Regrettant ensuite de n'avoir pas réclamé davantage aux voyageurs pour Cosette, le Thénardier les poursuit en vain, et finalement, le regard du voyageur lui fait peur et il rebrousse le chemin. Le soir même du jour où Jean Valjean avait tiré Cosette des griffes des Thénardier, il rentrait dans Paris.